أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On est arrivé donc aujourd'hui, on commence le cours 84 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé aujourd'hui à un nouveau chapitre qui s'intitule Babu l'istighfafu bi ahli al-fadli. Babu l'istighfafu bi ahli al-fadli. C'est-à-dire le fait de dérespecter ou de diminuer l'importance des gens de bien, des gens de mérite. Donc, si on leur manque de respect, on ne les respecte pas. Donc ça, c'est un grand péché dans l'islam. Et on va donner des exemples de ça dans qu'est-ce que le cheikh a mentionné comme hadith. Il commence par le hadith suivant. Il dit an ibn Amr radiyallahu anhu marfu'an laysa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif sharaf kabirina sahahahu at-Tirmidhi. ولأبي داود عن أبي موسى مرفوعا إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. الحديث حسن. ولأحمد بسند جيد ليس منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعاملنا حقه. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté selon Ibn Amr radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas des nôtres celui qui n'a pas de miséricorde envers les petits et qui ne reconnaît pas l'honneur de ceux qui sont plus vieux, ceux qui sont âgés, plus âgés parmi nous. Et ça, c'est authentifié par At-Tirmidhi. Le hadith, il est sahih. Et l'autre hadith, qui est un hadith rapporté par Abu Daoud, selon Abu Moussa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi le fait de, disons, de d'avoir du respect et de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait d'honorer ou de montrer de l'honneur envers le musulman qui a les cheveux blancs et celui qui porte le Coran et qui ne va pas qui n'exagère pas et qui n'est pas laxiste, c'est-à-dire il n'est pas dans l'extrême, il n'est pas dans le laxisme avec le Coran, et également de montrer de l'honneur à celui qui a le pouvoir et qui est juste, hein, d'honorer le dirigeant qui est juste. Et ça, c'est également un hadith qui est hassan. Un autre exemple qui est mentionné, une parole de l'imam Ahmad ici, et c'est un hadith qui est rapporté selon Ubadat ibn Samit, et l'imam Ahmad, il le rapporte et il dit, il n'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas nos plus âgés et qui n'est pas miséricordieux envers nos petits, et qui ne reconnaît pas à nos savants ou à notre savant son droit. Et donc ça, c'est les trois hadiths qui sont rapportés à ce sujet. Et le cheikh Al-Fawzan, il commence à expliquer ce chapitre en disant que il dit inna lil muslim inda Allah hurmatun azima fa innahu ta'ala faddalahu ala sa'ir makhluqatihi wa li hadha al-istikhfaf bil mu'minina la yajuz wa huwa yadkhulu fi bab al-kaba'ir min adh-dhunub. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Donc le cheikh il dit que le musulman il est sacré, il est important pour Allah, il a une grande importance pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a honoré et a préféré l'homme, yani, et le musulman en particulier, au-dessus de toutes les créatures. Et donc, il n'est pas permis à quelqu'un de dénigrer ou de rabaisser les croyants. C'est interdit de faire ça, et ça rentre même dans les grands péchés, parmi les grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à ce sujet-là, « Ô vous qui avez cru, qu'un groupe d'entre vous ne se moque pas d'un autre. » Il se peut qu'ils soient meilleurs qu'eux. Et qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un autre groupe de femmes. Il se peut qu'elles soient meilleures qu'elles. C'est-à-dire que celles qui se font moquer soient meilleures que celles qui se moquent. Hein? Et il dit, voilà tel mizu anfusakum. C'est-à-dire, dénigrez pas les uns les autres et ne vous lancez pas des sobriquets injurieux et des mauvais surnoms et des choses comme ça. Salismul fusuq ba'd al-iman, comme est mauvais le nom de la perversité après la foi. Et celui qui ne se repent pas d'avoir fait ça, alors ceux-là sont les injustes. C'est le verset 11 dans sourate al-Hujurat. Et le cheikh il dit fal muslimu lahu hurmatun la yajuzu intiqasuha. وإذا كان من أهل الفضل كان احترامه أشد ولا يجوز السخرية منهم. قال الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. Donc le cheikh dit le musulman il a donc son respect, il n'est pas permis de le dénigrer, et en particulier s'il fait partie des gens du mérite comme les savants de l'islam, comme les gens pieux, comme les personnes âgées, et ainsi de suite, eh bien, s'il est dans cette catégorie-là, alors son respect est encore plus important. Hein? Il n'est pas permis de se moquer d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 79, dans surat At-Tawbah, et ça on l'avait lu parce qu'il y avait un chapitre même à ce sujet-là, dans les chapitres précédents, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ceux qui se moquent de ceux qui donnent des sadaqat, hein, et ceux parmi les croyants qui n'avaient que ce qu'ils trouvaient pour donner. Ils faisaient un effort de donner ce qu'ils peuvent et ils donnaient très peu, mais les autres se moquaient d'eux parce qu'en voulant dire Allah n'a pas besoin de cette sadaqa, elle est trop petite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah se moque d'eux en retour. Donc, ils se moquent d'eux pour les punir du fait que eux se moquent des croyants qui ont que de faibles moyens. Et il dit ensuite, فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالِاعْتِرَافِ بِفَضْلِهِمْ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا عَنْ حَسَدٍ فَيَكُونُ الْأَمْرُ أَشَدٍ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْاِسْتِخْفَافِ وَهُوَ تَنْقِيسُ قَدْرِهِمْ وَالْحَسَدِ وهو تمني زوال النعمة عنهم وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. Donc le cheikh il dit ici que il faut absolument donc avoir du respect envers les gens de mérite et reconnaître leur mérite, et il se peut que ce soit à cause de la jalousie, hein, que la personne se moque ou qu'elle ne manque de respect des gens de bien. Donc si c'est à cause de la jalousie, eh bien ça c'est un autre péché parmi les grands péchés. Et donc, il réunit entre deux péchés ensemble. Le péché de rabaisser et de manquer de respect, hein, envers les gens de bien. Et en plus de ça, la jalousie, c'est-à-dire, il souhaite que la grâce que Allah a donnée à quelqu'un, que cette grâce-là lui soit enlevée. Ça fait partie des grands péchés aussi. Et il dit ensuite le cheikh, وَقَدْ يَكُونُ الْمَرْءُ فِي نَفْسِهِ حَقِيرًا فَيُرِيدُ أَنْ يَزْهَدَ النَّاسَ فِي أَهْلِ الْفَضْلِ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنصَافِ أَنْ يَدْفَعَ الْمَرْءُ عَيْبَ النَّقْصِ عنه بانتقاص الأفاضل فهذا من كبائر الذنوب ولذلك ذكره الشيخ من كبائر الذنوب. Donc le cheikh il dit que peut-être que la personne elle est méprisable en elle-même, la personne qui dénigre ou qui manque de respect envers les gens de bien et les gens de mérite, peut-être qu'elle-même elle est méprisable. Et donc si cette personne-là elle est méprisable, elle veut que les gens, elle veut pas que les gens soient autour des gens du bien et des gens du mérite. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle les dénigre et leur manque de respect. Et il dit le cheikh que le fait d'agir de cette façon-là, eh bien, ça ne fait pas partie du bon comportement et c'est pas d'être juste que d'agir de cette façon. Et ça peut le fait que la personne dit وَلَيْسَ مِنَ الْإِنصَافِ أَنْ يَدْفَعَ الْمَرْءُ عَيْبَ النَّقْصِ عَنْهُ بِانْتِقَاسِ الْأَفَاضِلِ. Donc si toi tu as un défaut en toi-même, la façon de réparer ce défaut-là ou cette faiblesse-là ou ce manque-là, c'est pas de dénigrer les gens de bien, hein? Le fait que tu dénigres les gens de bien, ça va pas te faire toi augmenter en bien ou augmenter en mérite, hein? Donc si tu vois que par exemple les gens du mérite, hein, eh bien ils font du bien puis ils ont quelque chose de bien que toi tu ne l'as pas, hein, alors toi tu veux comme te venger d'eux en les dénigrant, ça te rend pas méritoire toi-même, ça t'élève pas toi-même en fait, ça fait en fait partie des grands péchés. C'est pour ça que le cheikh il l'a mentionné parmi les grands péchés dans le livre Al-Kaba'ir. Et le cheikh il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam inna min ijlalillahi ay ta'zimihi ikramu dhi shaybati al-muslim ay ta'zimu ash-shaykh al-kabir fi al-islam wa tawqiruhu fi al-majalis war-rifq bihi wa ash-shafaqati alayhi li hurmatihi 'inda Allah. Donc le cheikh il explique que parmi les exemples du respect qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait d'honorer la personne âgée dans l'islam, le musulman qui est plus âgé, qui a les cheveux gris, hein, Shayba, c'est les cheveux blancs, les cheveux. Donc il faut lui montrer à cette personne un grand respect. Donc la personne âgée qui est dans l'islam, il faut avoir un grand respect pour lui. Et quand il rentre dans une assemblée ou dans une assise, on va dire qu'on est dans une place, hein, un salon ou quelque part où les gens sont réunis pour parler, pour manger ou pour discuter, et qu'une personne âgée rentre, eh bien, il faut lui donner le respect. Il faut lui montrer le respect. Et parmi les exemples de respect qu'on a pour cette personne, c'est de lui donner une place, une bonne place, et d'être doux envers cette personne et de lui montrer de l'affection. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il respecte cette personne. Il respecte la personne âgée. Et Allah aime la personne âgée, hein, qui est dans l'islam. Et le cheikh dit wa qawluhu wa hamilu al-Qur'an ay ikramu hafiz al-Qur'an ghayra al-ghali fihi ay ghayra al-mutajawiz al-hadd fi al-'amali bihi وتتبع واشتباه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والجافي عنه أي التارك له البعيد عن تلاوته والعمل به وإكرام ذي السلطان المقسط أي ولي الأمر العادل في حكمه ورعيته. الشيخ الدين que la personne donc qui mémorise le Coran ou qui, hein, ou qui a qui il y en a qui est une personne qui porte le Coran et qui respecte le Coran, il faut l'honorer cette personne là et il mentionne par rapport à cette personne qui porte le Coran qu'elle n'exagère pas à son sujet, c'est-à-dire elle dépasse pas les limites en l'appliquant et en le pratiquant, en suivant des sens équivoques pour créer de la fitna ou pour essayer de déformer son sens. Et non plus, elle va pas faire preuve de laxisme envers le Coran en abandonnant le Coran ou en s'écartant et en restant loin de la récitation et de l'application du Coran. Il dit wa ikramu zi sultan il muqsit. Il dit ay wali al amr al adil fi hukmihi wa ra'iyatihi. C'est-à-dire également, il faut respecter le dirigeant qui est juste. Yani, c'est-à-dire le dirigeant qui est juste dans son jugement et envers ses sujets. Et donc, en même temps aussi, donc, ça veut dire que, yani, il faut montrer aux dirigeants un grand respect, que ça c'est très important. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man la yujillu kabirana wala yarhamu saghirana ولا يعرف لعاملنا حقه الأصل أن ينزل الناس منازلهم أن ينزل الناس منازلهم فيرحم الصغير لضعفه ويعرف شرف الكبير في السن والكبير في الدرجة أي في العلم أو الكبير في الجاه فينزل الناس منازلهم ولا يستخف بهم. Le cheikh explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas le personne qui est grande parmi nous, soit grand en âge ou grand en statut ou en degré dans la science par exemple ou des choses comme ça. Et il n'est pas des nôtres également celui qui n'est pas miséricordieux envers les petits d'entre nous et qui ne reconnaît pas aux savants son droit. Et donc, à la base, c'est que le musulman, il doit placer chaque personne à la place où il revient. C'est-à-dire traiter les gens selon leur degré. Tu dois savoir comment traiter les gens selon leur degré, selon leur niveau. Tu ne vas pas t'adresser à quelqu'un qui est une personne âgée, par exemple, de la même manière que tu vas traiter une personne de la même âge que toi, ou bien une personne qui est plus petite. Chaque personne, tu dois savoir comment agir envers elle d'une manière qui lui convient et qui lui correspond. Et ça, il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses-là. Ils vont parler avec une personne plus âgée que eux, comme s'ils parlent avec n'importe qui. Hein? Et ils ne vont pas lui montrer le respect. Non, ça, c'est pas correct. De la même manière que tu ne peux pas non plus t'adresser à tes parents, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère. Tu ne peux pas t'adresser avec eux n'importe quelle façon. Il y a un certain respect à adopter lorsque tu t'adresses à ces personnes-là parce qu'elles sont plus âgées que toi et en même temps elles ont un certain respect sur toi du fait du lien de parenté et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des choses auxquelles on doit tenir compte. Et ça c'est des choses qui malheureusement dans les sociétés de kofr, les gens ne connaissent pas ça en général. Les gens ne connaissent pas le respect de la personne plus âgée, ne connaissent pas le respect de la personne qui a, par exemple, un droit sur toi, comme tes parents, tes grands-parents. Ils parlent avec n'importe qui, de n'importe quelle façon. Hein? Et si même avec leurs parents, parfois, ils vont leur parler comme s'ils parlaient avec le gars du coin, comme on dit. Hein? Donc ça, c'est vraiment pas acceptable en islam. Hein? C'est vraiment pas acceptable et l'islam nous enseigne ce comportement-là et cette attitude-là d'avoir le respect envers les gens et de pas croire que tout le monde est à égalité. Ça c'est la mentalité des kuffars aussi en Occident de dire tout le monde est égal. Non, tout le monde n'est pas égal. Ton père il n'est pas égal avec toi. Toi t'es pas égal avec ton père. Hein? Ton grand-père il n'est pas égal à toi non plus. Tu vois, chaque personne, il a son niveau. Chaque personne, il a son degré. Et à chaque personne, il y a un certain respect. La même chose pour, par exemple, quelqu'un qui est haut placé ou qui est respecté dans la société. Il y a une façon de s'adresser à cette personne-là. Et il faut quand même savoir bien parler et bien agir envers eux. Et ça, c'est envers tout le monde en général qu'on doit être bon et qu'on doit bien agir. Mais encore plus envers ces gens-là. Hein? Et le cheikh, il explique ensuite et il dit donc que le petit, il faut lui faire miséricorde à cause de sa faiblesse, à cause du fait qu'il est faible, qu'il est petit. Hein? Donc, on a une certaine tolérance parfois, même de la part des petits, lorsqu'ils font des bêtises ou lorsqu'ils font ils disent des choses ou ils agissent d'une manière qui n'est pas correcte parfois. Hein, on va les excuser plus facilement, tandis que si c'est une personne plus âgée ou plus mature, on va pas accepter certains comportements du fait de leur âge. Hein. Et donc, on doit reconnaître l'honneur de la personne âgée, celle qui est plus grande que nous en âge et celle qui est plus grande que nous en degré et en science également. Et la personne aussi qui est plus grande en statut. En statut. Et le cheikh, il dit, فَيَنْزِلُ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ وَلَا يَسْتَخِفُّ بِهِمْ. Il dit, وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ فَالْعَالِمُ لَهُ مَكَانَةٌ بِعِلْمِهِ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَرَمْ وَيُجَلَّ وَلَا يُهَوَّنْ مِنْ شَأْنِهِ لأن هذا فيه تنقص لشخصه وفيه تنقص للعلم الذي يحمله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب لأن نفع العالم يتعدى إلى غيره كضوء القمر يضيء الكون أما العابد فنفعه Donc, le cheikh, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le mérite du savant, hein, par rapport, hein, ou vis-à-vis de pas vis-à-vis, mais par comparaison, le mérite du savant, par comparaison à l'adorateur, c'est comparable au mérite de la lune à côté des autres étoiles et des autres astres dans le ciel. Donc, tu compares par exemple la lune, puis les étoiles, tu vois la différence. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tu vois que la lune, elle éclaire tout. Hein? Elle éclaire tout ce qui est sur la terre, la nuit. Et les étoiles, elles sont toutes à côté, elles sont toutes petites. Donc, tu vois la différence donc entre le savant et l'adorateur. Le savant, le bienfait qu'il ramène, il touche à tout le monde, il profite à tout le monde. Tandis que l'adorateur, le bien qu'il fait, ça ne profite qu'à lui-même. Hein, celui qui prie beaucoup la nuit, qui récite beaucoup le Coran, qui fait beaucoup de sadaqat, bon, ça peut faire du bien aux autres, mais c'est à du bien qu'il fait en grande partie à lui-même. Mais la personne qui enseigne la science et qui propage la science, eh bien, ça c'est un bien qui revient à tout le monde, ça touche tout le monde. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il est meilleur. Et le cheikh il dit, فَالْعَالِمْ لَهُ مَكَانَةٌ بِعِلْمِهِ. Donc le savant il a un mérite par rapport à sa science, un statut à cause de sa science. Et donc il doit être respecté et honoré et on ne doit pas le dénigrer. Parce que si tu dénigres la personne, hein, c'est comme si tu dénigrais la science qu'il porte. Donc c'est comme si tu dénigres cette personne qui porte la science, c'est comme si tu dénigrais la science qu'il porte. Donc tu le respectes, hein, tu le respectes le savant, mais c'est pas juste que tu le respectes uniquement pour lui seulement, mais surtout tu le respectes pour le savoir qu'il porte, ok, et pour la science qu'il transmet. Et en respectant cette personne, c'est comme si tu respectais la science qu'il porte en même temps aussi. Donc ça, c'est très important. Et donc ça, c'est ce qui conclut ce chapitre. On va lire un autre chapitre maintenant. Bab irda bizouj. C'est-à-dire le chapitre au sujet de celle qui met son mari en colère. La femme qui met son mari en colère. Et que ça fait partie des grands péchés. Le cheikh il dit, وقول الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي رواية إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجاه. وعنه مرفوعا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه الترمذي. Donc, qu'est-ce qui est rapporté ici? Le premier verset qui est mentionné, c'est le verset dans Surat An-Nisa. Le verset dans Surat An-Nisa 34. Dans la traduction du sens de ce verset. Et quant à les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Fassalihat, qanitat. Qanitat, ça veut dire obéissantes. Donc, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Donc, elles protègent avec la protection d'Allah ce qu'elles doivent protéger pendant l'absence de leur mari. Et ça, c'est les descriptions de la femme musulmane, comment elle doit agir. Elle doit être obéissante envers son mari et préserver les biens de son mari. L'autre hadith qui est mentionné après, c'est selon Abi Huraira, marfouan, il dit, et ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme en sa main, lorsqu'un homme appelle sa femme au lit et qu'elle refuse, s'il n'y a pas un homme qui appelle sa femme au lit alors qu'elle refuse, excepté que celui qui est dans les cieux sera en colère contre elle jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre cette femme lorsqu'elle se refuse à son mari. Et dans une autre narration qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, excepté que les anges la maudissent jusqu'au réveil, jusqu'à l'aube. Et ça c'est également rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'autre hadith qui est mentionné ensuite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je devais ordonner à une personne de se prosterner devant une autre personne, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner à son mari. Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et c'est un hadith authentique. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ce chapitre. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala haqqan liz-zawji 'ala zawjatihi wa kadhalika lil-mar'ati 'ala zawjiha. فقال وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala a donné des droits à l'homme sur sa femme et des droits à la femme sur son mari. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 19, dans Surat An-Nisa, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, c'est-à-dire, et vivez avec elle et agissez avec elle, comportez-vous avec elle de la meilleure façon. Okay? Et il mentionne dans le verset 228, dans Surat Al-Baqarah, et elles ont des devoirs, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, donc elles ont des droits qui correspondent à leurs devoirs selon les bonnes manières, selon qu'est-ce qui est bien connu, selon les bonnes choses qui sont connues dans la façon d'agir entre époux. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً, mais les hommes ont un degré supérieur sur les femmes. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً, C'est-à-dire, les hommes, sur elle, ont un degré. Et donc, quand on regarde la traduction de ce verset-là, c'est dans Surat al-Baqarah, verset 228. Oui, ça dit. Oui, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Donc, elles ont des droits et aussi elles ont des devoirs. D'accord? Et c'est des droits et des devoirs qui se correspondent. C'est-à-dire, les hommes, ils ont des droits sur elles et, elles ont des devoirs envers les hommes. Et les hommes ont des devoirs envers elles et les hommes ont des obligations envers elles et ainsi de suite. Donc, vice-versa, les deux ont des droits les uns envers les autres, mais les hommes ont un degré par contre au-dessus d'elles. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Donc ça c'est la traduction de ce verset-là. Et ensuite il dit وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ فَالْقُنُوتُ أو الْقَنُوتُ في الآية المقصود به دوام الطاعة لله وللأزواج فهن مطيعات لله أولا ثم لأزواجهن ويداومن على ذلك ومعنى حافظات للغيب إذا غاب عنها الزوج حفظته في نفسها ومالها وقيل حافظات للغيب أي حافظات للسر بينهن وبين أزواجهن وهذه صفات لا بد أن تتحلى بها المرأة. Donc le cheikh il dit Muslim, tiens ton truc il est là. Non. Donc il dit le cheikh que en ce qui concerne le verset dans Surat An-Nisa, verset 34, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie donc les femmes vertueuses, les femmes pieuses, elles sont obéissantes envers leur mari et elles gardent en leur absence ce que Allah préserve. Hein? Elles gardent les biens de leur mari en leur absence, en plus de du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les garde aussi. Et donc, le cheikh explique que qanitat, ça vient du mot qanout. Et ça veut dire le fait de rester constant dans l'obéissance. Le fait de rester constant dans l'obéissance d'Allah et de l'obéissance des maris. Et donc, le cheikh, il dit donc qu'elles sont obéissantes à Allah. Les femmes vertueuses, elles sont obéissantes à Allah en premier. Puis, elles sont obéissantes envers leur mari. Et elles sont constante et elle persiste dans cette obéissance là. Et il dit wa ma'na hafizatun lil ghaib, quand on dit que elles préservent en absence de leur mari, bon ça c'est une interprétation ou une des explications du verset que lorsque leur mari est absent, elles gardent leur personne et elles gardent leurs biens. Ça c'est une explication. Une autre explication وَحَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ, c'est-à-dire, elle garde les secrets qu'il y a entre elle et son mari. Et ça, c'est des caractéristiques par lesquelles la femme, elle se pare. Des belles caractéristiques que la femme doit adopter, de bon comportement. Il dit ensuite, وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةِ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه من حقوق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها إلى الاستمتاع أن لا تمانع إلا لعذر شرعي لأن هذا الحق من أعظم حقوقه عليها فإذا امتنعت سخط الله وملائكته عليها لأنها فعلت جريمة كبرى وهي نشوزها عن زوجها في هذه الحالة وفي الرواية الأخرى لعنتها الملائكة حتى تصبح أي يدعون عليها باللعنة والملائكة مستجاب الدعوة وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن سخط من في السماء عليها ولعنتهم يدل على أنها كبيرة، والمراد بمن في السماء الله وملائكته. ففي الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على أهل المعصية. Le cheikh il dit que le hadith de Abi Huraira, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme, s'il n'y a pas un homme qui appelle sa femme au lit et qu'elle refuse, c'est-à-dire que parmi les droits de l'homme, c'est que, yani, parmi les droits que l'homme a sur sa femme, c'est que lorsqu'il l'appelle, il l'invite à jouir d'elle, yani, et à avoir des rapports avec elle, qu'elle ne doit pas s'empêcher, elle ne doit pas lui empêcher de pouvoir avoir des rapports avec elle, excepté pour une excuse valable dans la religion. Et que ça fait partie des droits les plus importants que l'homme a dans le mariage, et que si la femme s'abstient de répondre à l'appel de son mari au lit lorsqu'il a envie d'elle, et bien dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre elle, de même que les anges. Hein? Et il dit que si elle fait cela, elle a commis un grand crime. Et le crime qu'elle a commis, c'est le fait d'être désobéissante envers son mari dans cette situation-là. Et dans une autre narration, il est dit que les anges vont la maudire jusqu'au matin, c'est-à-dire qu'ils vont invoquer contre elle la malédiction. Et on sait que les anges sont exaucés lorsqu'ils font des invocations. Et donc ça, c'est la preuve que le fait d'agir ainsi est un grand péché parmi les grands péchés pour la femme. Et que si elle agit ainsi, eh bien, celui qui est dans les cieux et sur la terre va être en colère contre elle, et vont la maudire. Et donc ça, c'est la preuve que c'est un grand péché, comme on a dit. وَالْبُرَادُ بِمَنْ فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَ. D'accord. Donc, c'est ça. Là. Ça, c'est très important. Que la femme, elle ne doit pas s'abstenir de répondre à l'appel de son mari lorsqu'il la demande à ses côtés pour avoir des rapports sexuels avec elle. Et sauf si elle a une excuse. Si elle a une excuse valable, comme si elle est malade, ou si elle se sent pas bien, ou si elle est fatiguée, ou des choses comme ça. Il y a une excuse valable, puis dans ce cas-là, l'homme il doit être compréhensif. Et il ne doit pas chercher à lui imposer quelque chose dans ce cas-là, dans cette situation-là, puisque elle a une excuse. Il dit « وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَدْعُوا عَلَىٰ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ » Dans le hadith en question, il y a une preuve que les anges, ils font des invocations, ils font des doigts contre les gens qui font des péchés. Ok ? Ça c'est une preuve dans le hadith. Un autre exemple, un autre point ensuite, le hadith suivant, il dit وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا بِالسُّجُودِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ قَدْ رَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ بطارقتهم على عادتهم فأراد معاذ أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فمنعه من ذلك لأنه لا يجوز السجود إلا لله وفي آخر الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وهذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته وسبب ذلك كثرة حقوقه عليها وفي هذا غاية المبالغة في بيان غاية المبالغة في بيان تأكد طاعة المرأة لزوجها. نعم. Donc ça aussi c'est important de comprendre que ça revient beaucoup à la foi de la femme. Hein? La femme qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a peur de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elle entend ça et elle tient compte de ça. Parce qu'elle sait que c'est des menaces sévères et qu'elle risque d'avoir la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose de grave. Donc, elle va s'abstenir de faire ça, de désobéir à son mari dans ce genre de choses. Tandis que la femme qui est insouciante ou qui est indifférente ou qui est faible dans sa foi, eh bien, elle ne va pas tenir compte de ce genre de hadith. Hein? Elle ne va pas donner à ce genre de hadith beaucoup d'importance et puis elle va se permettre de désobéir à son mari dans des choses comme ça. Hein? Et ça, c'est un signe de faiblesse de la foi. C'est un signe de faiblesse de la foi. Naam. Et le cheikh, il dit ensuite que dans l'autre hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner à quelqu'un d'autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. » Et c'est le cheikh, il dit que ça, c'est lorsque Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, est allé en Palestine, ou dans la région de la Palestine, la Syrie, qu'on appelle en arabe Asham. Et il dit qu'il a vu là-bas des chrétiens qui se prosternaient devant leur prêtre, leur évêque, leur curé, je ne sais pas comment ils les appellent. Donc, c'était leur habitude de se prosterner devant eux et tout, de se rabaisser devant eux. Alors, quand il est revenu, il a vu Mu'adh radiallahu anhu a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il a dit qu'il a voulu faire la même chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se prosternant devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de faire ça. Il l'a empêché de faire ça. Il lui a expliqué que ce n'était pas permis de se prosterner devant quiconque excepté Allah. Et à la fin du hadith, il a dit: et si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant une autre personne, eh bien j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari à cause du droit immense qu'il a sur elle. Donc ça montre le droit immense que l'homme a sur sa femme, et c'est une des causes pour laquelle il a dit cette parole-là. C'est pour montrer à quel point les droits que l'homme a sur la femme sont grands. Et ça, c'est ce qui vient confirmer que la femme doit obéir à son mari. Bien entendu, aujourd'hui, avec les mouvements féministes et les mentalités féministes qui poussent la femme à se révolter contre l'homme, à se révolter contre son mari, eh bien, ça amène comme résultat que beaucoup de femmes, elles refusent de montrer à leur mari le droit et le respect qu'il a. Hein? Et donc, au lieu d'être obéissante envers leur mari et d'écouter à leur mari et de faire ce que le mari demande, selon le bon comportement et les règles islamiques, eh bien, elles refusent et parfois elles deviennent un peu, rebelles, comme on dit, elles refusent d'accepter ça. Et ça, c'est les ruses du shaitan contre la femme. Parce que le shaitan, quand il veut égarer quelqu'un, il le pousse à la rébellion. Hein? Il le pousse à la rébellion. En premier, contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il va se rebeller contre Allah, ou bien il va se rebeller contre son dirigeant, ou bien il va se rebeller contre son mari, et ou bien il va se rebeller contre ses parents, ou bien, c'est toujours comme ça. Et ils font croire, et le shaitan, il leur fait croire que dans le fait de se rebeller, il y a quelque chose de bon pour eux là-dedans. Alors qu'ils ne réalisent pas que c'est la source de leur malheur, hein, que de rentrer dans ce genre de rébellion-là. Et que souvent, les gens qui prétendent parler au nom des droits des femmes sont les plus grands ennemis des femmes eux-mêmes. Parce que, en réalité, le résultat de ce à quoi ils appellent, c'est pas le respect de la femme, ni l'égalité de la femme, mais plutôt par la suite le fait de rabaisser la femme et de l'humilier et de la faire tomber dans la honte et la honte et l'indignité, hein, le fait de perdre sa dignité, de perdre tout ce qu'elle a de plus cher, yani, et de profiter d'elle, de pouvoir profiter d'elle encore plus facilement. C'est ça leur objectif, mais ils ne le disent pas. Ils leur font croire que c'est pour le bien de la femme, hein, qu'ils veulent la défendre, qu'ils veulent la supporter. Donc ils la retirent de tout ce qui la protège, puis par la suite, ils profitent d'elle comme ils veulent, sans aucune, obstacle. Puis après ça, ils prétendent que ils sont les défenseurs de la femme. Et c'est comme des loups avec des peaux de mouton. Ces gens-là, c'est comme ça qu'ils sont. C'est des loups avec des peaux de mouton. Ils viennent, ils disent, oui, moi, je suis ton ami, je viens pour t'aider, te défendre, te donner tes droits, hein, contre les méchants hommes qui veulent te protéger, t'empêcher de faire ce que tu veux et t'enlever ta liberté. Et une fois qu'ils l'ont attrapé, eh bien là, par la suite, ils font ce qu'ils veulent. Et ils la dévorent comme un loup dévore le mouton. C'est comme ça la réalité de cette société occidentale et comment ils parlent de la femme. C'est exactement la même situation. Le cheikh, il dit ensuite, Babu Adha Salihin. Babu Adha Salihin. C'est-à-dire le chapitre au sujet de faire du tort aux gens vertueux, aux gens pieux. Et le cheikh, il explique et il dit, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله؟ فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلها أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فقال يا إخوتاه لعلي أغضبتكم؟ فقالوا لا يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. وللترمذي وحسنه عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا من أهان السلطان أهانه الله. من أهان السلطان أهانه الله. Donc le premier, en premier il y a un verset et après il y a deux hadiths qui sont mentionnés dans ce chapitre. Le premier, qu'est-ce qui est mentionné? Le verset, c'est le verset 58. Dans Surat Al-Ahzab. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Hein? Donc ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité, donc ils ont fait une calomnie et un péché évident. Et ensuite, le cheikh, il mentionne un autre hadith qui est rapporté selon Abi Hubayra radiyallahu anhu. Abu Hubayra, c'est le rapporteur du hadith. Son nom, c'est A'iz ibn Amr al-Muzani. Et il fait partie des gens qui ont assisté à la bay'a, hein, bay'at al-Ridwan. Abu Hubayra. Donc, il dit que Abu Sufyan était venu et yani, quand il est venu, il a vu Salman al-Farisi et Suhaib al-Rumi et Bilal al-Habashi, les trois sahaba Et ces trois sahabas sont des sahabas qui sont d'autres origines, qui ne sont pas arabes. Hein? Salman, il est de la Perse. Suhaib, il est un esclave romain, il était un esclave romain. Et Bilal, qui était un esclave de l'Éthiopie. Hein? Et les trois sont venus et les trois, ils étaient là. Et Abu Sufyan, qui était un des nobles de Quraysh, il n'était pas musulman à ce moment-là. Et ils ont dit, Ma akhadat suyufullahi ma akhadaha min unuqi aduwillahi. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ma akhadat, yani, فيه أن أبا سفيان ابن حرب جاء إلى المدينة في الفترة التي بعد الصلح الحديبية وهو على الكفر فلما مر على سلمان وصهيب وبلال وهم من فقراء المسلمين وسادة المؤمنين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وقد أوذوا في سبيل الله أذى كبيرا فقالوا ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عنق عدو الله يريد أنه ينبغي أن يقتل لما حصل منه في حق المسلمين قبل أن يسلم ولكن الله من عليه فأسلم بعد ذلك. Donc ici les sahaba ont dit en parlant de Abu Sufyan, yani les épées d'Allah n'ont pas encore pris yani de cet ennemi d'Allah, du coup de cet ennemi d'Allah, en voulant dire et pour tout ce qu'il a fait contre l'islam et tout ce qu'il a fait de tort aux musulmans, il n'a pas encore trouvé son épée qui l'a frappé encore. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été tué. Alors, il n'était pas musulman. Et après l'entente de Al-Hudaybiyah, il est venu à Médine pour rencontrer les musulmans, pour faire peut-être des discussions ou des ententes avec eux ou quelques dialogues avec les musulmans. Alors, il est passé devant les trois sahaba en question, puis Abu Bakr lui il a dit aux trois, ne dites pas ça à un des shuyukh de Quraysh, un des hommes importants de Quraysh, hein? C'est un des chefs de Quraysh et des gens haut placés de Quraysh, donc parlez, dites-lui pas ce genre de paroles. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, « Oh Abu Bakr, peut-être que tu les as fâchés en leur disant ça, hein, en leur disant de pas leur parler comme ça. » Parce que c'est un des cheikhs de Quraysh et un des saïds de Quraysh. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Peut-être que tu les as mis en colère, peut-être que tu les as fâchés en disant ça. » Et celui qui les met en colère, il a mis Allah. Hein, si tu les as mis en colère, tu as mis ton Seigneur en colère. Hein? Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, oh mes frères, pardon, c'est Abu Bakr qui est allé les voir et qui leur a dit, oh mes frères, peut-être que je vous ai mis en colère, peut-être que je vous ai fâché par ce que j'ai dit. Ils ont dit non, qu'Allah te pardonne, hein, oh mon frère. Donc il a dit qu'Allah te pardonne, oh mon frère. Donc ils ont dit non, on n'était pas en colère contre toi pour cette parole-là. Et ça c'est rapporté par Muslim. Et dans l'autre hadith qui est rapporté par Tirmidhi et qui est déclaré Hassan, c'est un hadith Hassan selon Abi Bakra, un des compagnons du professeur Hassan qui s'appelle Abi Bakra. Donc c'est pas la même, c'est pas Abu Bakr, c'est Abu Bakra. Il faut distinguer entre Abi Huraira et Abi Hubeira et Abu Bakr et Abi Bakra. Abu Bakra et Abu Bakr, c'est deux sahabis différents. Et Abu Hubeira et Abu Huraira, c'est deux sahabis différents aussi. Donc il dit, celui qui dénigre le dirigeant, c'est comme s'il avait dénigré Allah. Celui qui dénigre, qui manque de respect envers le dirigeant, c'est comme s'il avait manqué de respect envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ok, on va lire l'explication de ça. Le cheikh, il dit, « La tajouzu adhiyata as-salihin » بالقول أو الفعل وذلك بالاستطالة باللسان أو اليد والأذية لا تجوز في حق أي أحد وهي في حق الصالحين من باب أولى لشرفهم عند الله. وقد قال الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فدلت هذه الآيات على تحريم أذية الله ورسوله وإيذاء المؤمنين والمؤمنات لما في ذلك من إثم عظيم. Donc le cheikh il dit qu'il n'est pas permis d'offenser les gens pieux et de leur faire du tort, soit par la parole ou soit par l'action. Et ça, c'est-à-dire que quelqu'un, il étend sa langue ou il étend sa main contre eux pour leur faire du mal ou leur faire du tort. Ça, c'est pas permis pour de le faire envers quiconque, c'est-à-dire envers les gens pieux ou envers les gens ordinaires, de toutes les catégories, c'est pas permis d'agir de cette façon-là envers eux, mais avec les gens vertueux et les gens pieux, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave si tu le fais, à cause de leur honneur, à cause de leur mérite et de l'honneur qu'ils ont, et que, à cause de l'honneur que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné également. Et il cite le verset 57 dans Surat Al-Ahzab. Et le verset qu'on a lu tout à l'heure, que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, c'est uniquement une partie, hein, du verset, plutôt, comme on a, c'était le verset 58, mais il y a le verset 57 qui est mentionné avant. Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu. C'est ça. Donc il mentionne le verset avant qui est: ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà. Il leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Et donc ça, c'est la preuve dans ces versets que c'est interdit de faire du tort à, d'offenser Allah et son messager, et de faire des offenses également aux croyants et aux croyantes à cause du grand péché qu'il y a là-dedans. Ok? Et il dit, en ce qui concerne le hadith de Abi Huraira, Abi Hubayra, qu'on disait tout à l'heure, il dit: وَقَوْلُهُمْ فِيهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مَا أَخَذَهَا مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ فَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ جَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي الْفَتْرَةِ الَّتِي بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ عَلَى الْكُفْرِ فَلَمَّا مَرَّ عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ وهم من فقراء المسلمين وسادات المؤمنين وهم من السابقين الأولين إلى الإسلام وقد أوذوا في سبيل الله أذى كبيرا فقالوا: ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عدو الله أو من عنق عدو الله، يريدون أنه ينبغي أن يقتل لما حصل منه من حق في حق المسلمين قبل أن يسلم، ولكن الله من عليه فأسلم بعد ذلك. فلما جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما حصل من الثلاثة في حق أبي سفيان وما رد به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أغضبتهم، أي بهذا الكلام الذي رددت عليهم به. فرجع إليهم أبو بكر فقال: يا أخوتاه، لعلي أغضبتكم. فأبو بكر خاف أن يكونوا قد أغضب هؤلاء الأجلاء لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما في إغضابهم من إغضاب الله تعالى، فدل هذا على أن إغضاب الصالحين يغضب الله، وأنه يجب على المؤمن أن يلتمس رضاهم ويتأدب معهم. وفي هذا رد على الذين يتنقصون الصحابة ويجحدون فضائلهم ومتجاهلين أن الله عز وجل يغضب على من فعل ذلك. Donc Abu Hubayra, il dit que les trois, sauf Salman, Suhayb et Bilal, ils ont dit donc que les épées d'Allah n'ont pas encore pris du coup de cet ennemi d'Allah. Et il parlait d'Abu Sufyan, Et Abu Sufyan était là, il était venu à Médine pendant la période de paix, de Sulh al-Hudaybiyah. Et ils étaient, eux, musulmans. C'est-à-dire, Abu Sufyan, il était encore mécréant. C'est-à-dire, il n'était pas encore converti à l'islam à ce moment-là, quand il est venu. Et lorsqu'il est passé à côté de Salman et de Souheyb et de Bilal, et eux, c'était des pauvres. Ils n'étaient pas riches, c'était des musulmans qui étaient pauvres. Et ils étaient parmi les plus grands, parmi les plus grands croyants. Et parmi ceux qui ont précédé les autres à l'islam, sont parmi les premiers à avoir entré s'être converti à l'islam. Et ils ont subi beaucoup de difficultés dans l'islam. Ils ont été éprouvés et offensés. Ils ont subi beaucoup d'offenses de la part des mouchriquines. Alors quand ils ont vu Abu Sufyan passé, ils sont fâchés. Ils sont fâchés à cause de ça. Parce qu'ils ne l'aiment pas. C'est un ennemi de l'islam. Hein? Un ennemi d'Allah. Alors, ils disent, hein, les épées d'Allah n'ont pas encore pris le coup de cet ennemi d'Allah. Alors, il dit que, c'est-à-dire, celui-là, il mériterait d'être tué à cause de tout ce qu'il a fait aux musulmans avant de s'être converti à l'islam. Ça, c'était avant son islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la faveur de le guider à l'islam par la suite. Donc, il s'est donc converti à l'islam par la suite. Et donc, Abu Bakr, radiallahu anhu, il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a mentionné ce qui était arrivé à propos de ces trois personnes. Qu'est-ce qu'il a dit à ces trois personnes? Ou qu'est-ce que ces trois personnes ont dit à Abu Sufyan? Et qu'est-ce que lui, il a répondu aux trois par la suite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peut-être que tu les as mis en colère avec cette parole que tu leur as répondu. Alors, Abu Bakr est retourné les voir et il leur a dit, oh mes frères, est-ce que je vous ai mis en colère? Est-ce que je vous ai fâché? Alors, Abu Bakr, pourquoi il a eu peur? Pourquoi il est allé les voir? Parce qu'il a peur de mettre en colère des gens importants, des croyants qui sont élevés dans leur religion, leur foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait savoir que de mettre ces gens-là en colère, c'est comme si tu mettais Allah en colère. Si tu mets les gens vertueux et pieux en colère, c'est comme si tu mettais Allah en colère. Et donc ça, c'est la preuve que de mettre en colère les gens pieux, c'est comme si tu mettais Allah en colère. Et donc il est obligatoire pour le croyant de chercher la satisfaction des gens vertueux et des gens pieux, et de bien agir avec respect avec eux. Et que ça, c'est une réponse à ceux qui dénigrent et qui rabaissent les sahabas, ou qui rejettent, ou qui renient leur mérite, en niant ou en ne tenant pas compte, hein, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala se fâche contre eux. Hein, lorsqu'ils agissent de cette manière-là. Et le dernier hadith qui est mentionné, c'est, il dit, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man ahana as-sultan, ahanahu Allah, sabaqa al-qawl anna as-sultan al-muqsit, yanbaghi an yujal, wa anna ijlalahu min ijlalillahi. Wa hadha al-hadith fihi al-hath ala ijlal as-sultan mutlaqan, hatta wa in kana zaliman أو عاصيا لأن إهانة ولي الأمر تسبب بغض الرعية له وبالتالي تسبب الخروج عليه فالأصل أن يجل ويعظم لما فيه من خير للأمة وأمن للبلاد ودفع للظلمة ونصر للمسلمين وحفظ للحقوق وإقامة للحدود فالسلطان ظل الله في الأرض فهؤلاء الذين يتنقصون ولاة الأمور في المجالس وفي الأشرطة المسجلة يدخلون في هذا الوعيد وهم بفعلهم هذا يظنون أنهم يلتمسون الأجر وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن الأمر على العكس ومن ذلك ففعلهم هو المنكر بعينه. Le cheikh, il explique le hadith qui dit, celui qui dénigre le dirigeant, il a dénigré Allah. C'est comme s'il dénigrait Allah. Ou celui qui manque de respect envers le dirigeant, c'est comme s'il avait manqué de respect envers Allah. Et on a déjà expliqué que le dirigeant qui est juste, il faut le respecter. Hein? Et que de respecter le dirigeant qui est juste, ça fait partie de respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que dans ce hadith-là, il y a donc une incitation à montrer du respect aux dirigeants de façon absolue, de façon générale. C'est-à-dire, peu importe que ce dirigeant-là soit injuste, ou qu'il soit pécheur, ou qu'il soit juste, dans tous les cas, tu dois montrer du respect envers le dirigeant, et en particulier s'il est juste. Hein? Encore plus s'il est juste. Et le cheikh, il dit, « لِأَنَّ إِهَانَةَ وَلِيِّ الْأَمْرِ تُسَبِّبُ بُغْضَ الرَّعِيَّةِ » Si quelqu'un, par exemple, il va dénigrer ou manquer de respect au dirigeant, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça va avoir comme conséquence que les gens vont détester leur dirigeant. Ils vont pas le respecter. Ils vont pas l'aimer. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils vont par la suite vouloir se révolter contre lui. Et à la base, le dirigeant doit être respecté et il y a dans ça un grand bien pour la Ummah et pour la sécurité du pays. Et dans le fait, et c'est par ça que les injustes sont repoussés et que les musulmans sont défendus et que on préserve les droits et qu'on établit les peines. Et donc le dirigeant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, le dirigeant, c'est l'ombre d'Allah sur terre. Et donc ceux-là, il dit, ceux-là qui dénigrent les dirigeants, hein, les dirigeants des musulmans dans les assemblées ou dans les lieux où les gens se réunissent, ou dans les audios enregistrés, les cassettes et autres, eh bien, quand ils dénigrent les dirigeants de cette façon, ils entrent dans cette menace. En agissant de cette manière, ils pensent rechercher une récompense parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont en train d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. Ce qu'ils font est le mal. Hein, c'est ça le mal. Donc ça, c'est ce qui conclut le chapitre en question. Et donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là pour le cours d'aujourd'hui dans ce livre. Le prochain cours, c'est « Babun ma ja'a fil amanati wal khiyanati fiha » au tafsir al-amana. Donc on va parler du gage et de la responsabilité et le fait de ne pas trahir notre engagement. Ça, on va parler de ça demain, inshallah. De même que on va parler de al-wilayat min al-wilayat, la gouvernance et ainsi de suite. Il y a d'autres sujets qui sont reliés à ça. Et on va donc s'arrêter maintenant. Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.